Au plus haut de l'ascension, sublime est l'incantation. Poursuivant notre voyage, nous arrivons dans une région tout à fait particulière. Le paysage est d'une beauté absolument inattendue, étourdissante. Très hautes montagnes, couvertes de forêts denses, cimes pointues, toutes proches du ciel d'un azur éclatant. C'est plus fort que moi. J'arrête la voiture et j'en sors, suivi par May. Voyant son étonnement, j'explique. Juste un instant pour voir cette nature. Je n'en ai jamais vu de pareil, pas même imaginé. Les battements plus forts et plus rapides de mon cœur confirment le degré d'émotion produite par les merveilles offertes à ma vue. Je me tiens immobile et silencieuse pour le laisser jouir du panorama. Ses yeux observent très lentement les alentours. Je comprends très bien ce qu'il ressent. Moi aussi, chaque fois que je me suis trouvée dans cet endroit, j'ai éprouvé les plus bouleversants sentiments. À présent également, mais cette fois-ci, je n'ai pas osé demander à s'arrêter, de peur de contrarier Bruno dans son légitime empressement à arriver au village. Que je voudrais être poète pour décrire ce qui s'offre à ma vue. Je cherche les meilleurs mots dont je dispose pour en rendre compte. Un zéphyr parfumé fait frissonner mon corps. La masse majestueuse des montagnes, leurs parois raides, leurs pics vertigineux, les ravins plongeants au plus profond des entrailles de la terre, l'exubérance des forêts, tout déchaîne mon imagination à connaître ses richesses, ses mystères, leurs légendes. Harmonie parfaite de la terre et du ciel, saluée par des chants d'oiseaux divers, accompagnée du paisible ruissellement des eaux claires de plusieurs cascades. L'herbe dense, agitée par un léger vent. Cette magnificence me pénètre entièrement. Un sentiment très net, très vif, embellit tout mon être. Je ne sais comment l'exprimer de manière précise. Tout ce que je peux dire est ceci. Ce que je vois me fascine dans le sens le plus fort du terme. C'est une illumination. Oui, une authentique illumination. L'arrivée dans ces lieux, impossible à concevoir même dans le songe le plus fantaisiste, reflète mon cheminement. Un changement intérieur vers la lumière, l'harmonie, la sérénité. Toujours je les ai plus ou moins désirés, cherchés, en vain. Mais sans jamais totalement y renoncer, même au plus profond de mon horrible dépression, noyé dans l'obscurité, le désordre et le déséquilibre. Je m'entends murmurer d'une voix à peine audible, étrange. Terre, mer, j'ai la sensation d'être dans le ventre de ma mère. Pour ressentir vraiment mon état d'âme en ce moment, il faut venir là où je me trouve, que les yeux soient remplis de cette nature absolument fabuleuse, que le cerveau en soit imprégné, que les pores de la peau en soient pénétrés. D'abord et surtout, il ne faut pas y venir en troupeau de touristes. Ce lieu ne peut être goûté que par les vrais chercheurs de paix et de beauté. Tournant les yeux vers moi, il semble avoir besoin d'un éclaircissement, tant il est stupéfait par la splendeur du panorama. Je lui explique à voix basse, pour rester en phase avec la sérénité de l'endroit. Cette nature est identique à celle qui existait ici il y a des millénaires, tout à fait intacte. Dans le passé, ces lieux servaient de refuge aux peintres, poètes, écrivains, musiciens et philosophes. Ils y venaient passer des mois, et même des années, pour éliminer leurs tourments et alimenter leur inspiration. En contemplant les paysages qui se présentaient à eux, c'est leur âme même qu'ils observaient, et ils la transformaient pour la rendre correspondante à la magnificence vue et respirée. Ici, tout est perfection et harmonie, invite à cette perfection et à cette harmonie. C'est encore ici que venaient se cacher les lettrés dignes de ce nom, pour éviter d'être complices de l'asservissement de leurs compatriotes par les castes dominantes. Fabuleux! Combien d'Occidentaux, à part les rares spécialistes en la matière, connaissent cette histoire passée? Maintenant, dis-je, je comprends pourquoi Hoa vit près d'ici. Je ne peux m'empêcher d'ajouter, et combien j'ai gâché ma vie. Envahi par l'ivresse provoquée par cette nature tellement séduisante, je m'entends susurrer à Bruno. Ici, tout est sensuel, et en même temps spirituel. Tout est... Je m'interromps, troublé. Bruno me relance. Et quoi? Je baisse les yeux vers le bas. Que lui répondre? Mon esprit s'est complètement fondu dans cette nature. Fais attention, May. Je sens la forte envie de m'abandonner, de m'évanouir. Je résiste. Je relève les yeux et contemple de nouveau le paysage. Une phrase me vient. Tu sens les multiples parfums qui flottent autour de nous? Oh oui, confirme Bruno. Il hume voluptueusement l'air. Son attention est attirée par le léger frémissement d'un parterre de fleurs jaunes sous l'effet d'une douce brise. Je me dis en moi-même ce que je ne peux exprimer à haute voix. Tout ici est amour et invite à l'amour. L'amour, fusion des corps et des âmes. L'amour, union avec l'univers. l'amour nirvana, si rare et si merveilleux. Tout mon corps, tout mon être intérieur en brûle. Ces montagnes si denses et ces forêts si luxuriantes réveillent toute la sève accumulée en moi. Brusquement, May sort rapidement de son sac un mouchoir en papier et le plaque sur sa bouche pour étouffer un début de sanglots. Surpris et inquiet, je lui demande « Qu'as-tu ?» Elle secoue en signe négatif la main et la tête. Une impérieuse envie me pousse à en savoir plus. Je parviens à raisonner. Ce serait inconvenant. Dommage. L'obscurité de la nuit est propice pour sonder de l'âme le précipice. Plus tard, nous arrivons dans une partie encore plus extraordinaire de la région. Je la connais bien et je l'aime beaucoup. Chaque fois, elle me procure des sensations très ravissantes, accompagnées de méditations graves et intenses. Là aussi, la nature, artiste unique et hors pair, a créé de hautes chaînes de montagnes et creusé de profonds précipices, le tout magnifié par une luxuriante végétation. La seule manière d'y voyager est d'emprunter des sentiers escarpés, tortueux, étroits, avec l'étourdissant sentiment d'être entre ciel et terre. Nulle part ailleurs le ciel est si proche des yeux, la terre si présente aux pieds. Quand je me sens trop seule, trop dépaysée, trop déprimée, et que j'ai besoin de compagnie, c'est toujours à ces lieux que va ma pensée. Quelles seront les réactions de mon compagnon ? Au flanc d'une montagne, la voiture avance en cahotant. Le chemin de terre est à proximité d'un escarpement. Le sentier est poussiéreux, sinueux, étroit et surtout dangereux. Tout près, en bas, au fond d'un vertigineux précipice, coule un torrent au remous violent, tourbillonnant avec fracas, en dégageant des vapeurs blanchâtres qui s'élèvent vers le ciel. Ah, maman, maman, ton fils a toujours eu peur de regarder du balcon d'un 10e étage, de crainte d'être saisi de vertige. En plus, le soleil est aveuglant, la chaleur étouffante. Il semble ne pas remarquer ma très forte inquiétude. La moindre fausse manœuvre de sa part pourrait précipiter la voiture dans le ravin. Je l'observe discrètement. Il est crispé sur le volant, très tendu. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Nos corps sont très malmenés par les multiples et continuelles secousses, dues aux trous et cailloux rencontrés par les pneus. J'ai, et je crois lui aussi, de plus en plus mal aux reins, l'estomac est trop agité, le tout procure un mal de tête qui pourrait se transformer en évanouissement. Je me décide. De ma voix la plus circonspecte, je demande « S'il te plaît, laisse-moi conduire. Tu es très fatigué et le sentier est très périlleux. Ne t'en fais pas, » répond-il d'une voix sourde. Mais je ne me tranquillise pas. De temps en temps, une pierre ou une crevasse font cahoter dangereusement la voiture. Il suffit qu'un des pneus antérieurs s'y heurte d'une manière inadéquate et le véhicule pourrait se diriger vers le vide sans avoir même le temps de freiner. Désormais, l'avance ne peut s'effectuer que très lentement. Cependant, le danger de glisser persiste. À chaque mètre, ma peur augmente jusqu'à me causer une tension insupportable. « Bruno, s'il te plaît, je n'en peux plus, c'est trop dangereux. Laisse-moi conduire. » Il ne réagit pas. Il sait que la progression est très risquée, mais je pense que son orgueil d'homme ne lui permet pas de céder le volant. Surtout à une femme. J'affirme avec conviction. J'ai déjà conduit dans cette région plusieurs fois. Aussi, je te prie de me laisser prendre ta place. Avec les yeux fixés devant lui, il demande étonné. Tu as déjà conduit ici ? Oui, plusieurs fois, quand j'étais guide touristique dans ma jeunesse. Une appréhension inexplicable me dissuade de laisser May prendre le volant. Fais-moi confiance, insiste-t-elle avec tact. J'y suis habituée. Je l'ai fait dans des conditions plus dangereuses que celles-ci, en hiver. Me voyant entêtée, elle avoue « Je t'en prie, j'ai peur, trop peur. » Je lui jette un coup d'œil, elle est affreusement pâle. J'arrête le véhicule, puis, essoufflée, la regarde, très désolée. Voyant mon hésitation, elle tente d'apaiser ma crainte. « Dès que tu verras comment je procéderai, tu seras tranquille. Je te demande seulement de me laisser faire. » J'accepte, mais il s'assoit à ma place, je prends la sienne, le voyage reprend. Maintenant, j'ai plus peur qu'avant. Instinctivement, savoir que le véhicule est conduit par quelqu'un d'autre me dérange. Je surveille avec toute mon attention tour à tour le mouvement du véhicule, puis la conductrice. J'examine ses mains tenant le volant, ses yeux fixés sur le sentier pour éviter les pierres et les crevasses, son visage s'efforçant de rester calme et concentré. Elle paraît sûre d'elle-même. Comprenant mon trouble, elle tente de l'alléger en badinant. En tant que femme née dans ces montagnes, et aussi en tant que petite fille d'un soldat de la longue marche, je dois au moins savoir parcourir ce sentier avec succès. Je voudrais bien la croire, ne pas m'angoisser. Mais sans y parvenir, je lutte contre mon affolement. La honte seule me dissuade de ne pas m'y abandonner, malgré le rapide battement cardiaque sur mes tempes et la sueur baignant mon front. Pourtant, la conduite très prudente de May et l'impassibilité de son regard m'encouragent à ne pas faire arrêter la voiture. Elle continue sa lente et très malaisée progression. Soudain, mon cœur bat très fort et très rapidement. Mes mains se crispent violemment sur le bord de mon siège. Mes jambes se tendent comme si les pieds veulent freiner pour arrêter la voiture. Affolé, je crie « Arrête ! Arrête !» Mais, très alarmé, obéit, puis me regarde. Je comprends ce qui arrive. Dans le passé, comme guide, je constatais ce genre de réaction parmi les touristes citadins. Conservant mon calme, je sors de la voiture, puis invite Bono à faire de même. Il quitte rapidement le véhicule. Il rejoint au plus près la paroi rocheuse, se colle à elle, loin du bord de l'abîme, puis, debout, il respire profondément. Je m'approche de lui pour le réconforter du regard, en attendant la fin de son agitation. Après quelques minutes, il se sent un peu mieux. « Excuse-moi, dit-il, j'ai eu une crise de panique. » Je tente de le rassurer. « C'est normal. Cela arrive aux personnes qui font ce chemin pour la première fois. Ils ne sont pas habitués à voir des précipices et des sentiers aussi étroits et dangereux. La pureté de l'oxygène à cette hauteur influe aussi sur le corps. Il suffit alors de se reposer un peu, puis de raisonner et de faire confiance au guide. J'essaie de dédramatiser d'un ton plaisantin. « Alors, me fais-tu confiance ?»« Merci de ta compréhension, » déclare-t-il en restant sérieux. « Je ne m'attendais évidemment pas à me trouver dans un lieu pareil. » La seule pensée du précipice que nous longeons me déstabilise. Voici le conseil à suivre. Ne pas regarder le précipice. Ne jamais y penser. Tenir les yeux uniquement sur la route et avancer avec le maximum de prudence en restant le plus près de la paroi de la montagne. On devrait suivre le même conseil dans la vie. Ne jamais penser à l'échec, mais uniquement poursuivre le chemin désiré de la manière la plus circonspecte en se tenant le plus loin possible de toute chute. Une heure après, le véhicule avance sur un sentier caillouteux très étroit, à environ 3000 mètres d'altitude. Mais il me le confirme. Cette hauteur impressionnante me trouble le cerveau. Ah, maman, heureusement que tu l'ignores. Et toi aussi, fiston. Des racines d'arbres entravent le sentier. Nous devons passer sur elles très lentement, avec le maximum de précautions. Toute l'attention de Mei est dédiée à la conduite. Le regard ferme, ses mains tiennent fermement le volant. Nos corps sont parfois brutalement secoués à cause des anfractuosités du chemin. Quelle merveille, ces montagnes! Les contempler sur des peintures, déjà, ravit l'esprit. Mais les voir au naturel, se trouver en elles, quelle jouissance! Pourquoi ai-je abandonné ce magnifique berceau de mon enfance? Que valent Pékin et tous ses trésors, mon travail à l'ambassade et tous ses avantages, comparés à ce lieu-ci, enivrant? C'est ici, uniquement ici, que ma vie palpite de toute sa sève, alimentée par toute l'immense énergie de la terre. Dommage que l'anxiété m'empêche d'apprécier à leur juste valeur ces endroits si enchantants, jamais vus. De toute ma volonté, je m'efforce de me calmer. Nous pénétrons dans les entrailles les plus mystérieuses de la montagne. Plus je m'y enfonce, plus j'ai la sensation étrange d'entrer dans la partie la plus inconnue de moi-même. Comment ai-je pu mener jusqu'à présent une dérisoire existence de fourmi? De l'immeuble d'habitation à celui du travail, puis de ce dernier au premier, chaque jour, pendant tellement d'années, avec, comme horizon, des murs troués de fenêtres fermées, des rues barrées de feux rouges, encombrées de véhicules. Courant vers quoi? Cherchant quoi? Au lieu de venir ici, parmi ces montagnes, et apprendre ce qu'est la vraie vie, le vrai ciel, la vraie terre, le vrai air. Et plutôt que les plaisirs éphémères et les peines dérisoires, visant uniquement à accumuler du fric, au contraire, éprouver les joies authentiques et même les peines véritables de ces montagnes superbes. Ah, que n'ai-je su, enfant, découvrir l'importance réelle de la nature dans la vie humaine, au point de ne pas m'en exiler volontairement pour m'enfermer dans la caverne appelée ville, plus exactement poulailler, en étant réduit à un coq de banque. Un éboulement, s'écrie Mei. Je regarde vers la direction indiquée. Un amoncellement de terre et de roches barre le chemin, interdisant le passage. Nous sortons de la voiture et examinons le terrain. Impossible de passer. Elle réfléchit. Je suis très inquiet. Nous sommes seuls, isolés, et le soleil s'approche de l'horizon. Mei prend son téléphone, plusieurs appels. Ensuite, pour me réconforter, elle déclare « Nous devons passer la nuit ici. Nous aurons du secours uniquement demain matin. » Passer la nuit ici? Oui, ce sont les risques des sentiers de montagne, difficiles et très peu fréquentés. Il n'y a vraiment aucune solution? Non, à moins qu'une voiture arrive en possédant les outils nécessaires pour déblayer cet amas de terre, ce qui est improbable. Voyant un malaise s'emparer de moi, Mei tente de me consoler. Ce sont des choses qui arrivent dans cette région. Il faut seulement avoir de la patience. Ne t'inquiète pas, nous avons la chance d'être ici par un temps doux. Nous ne souffrirons pas du froid de la nuit. Elle ajoute, d'un ton badin, pour me rassurer davantage, il n'y a pas de méchant tigre. Quant au serpent, je veille sur toi. Reposons-nous donc et profitons de l'occasion pour admirer ce beau coucher de soleil. » Il déclare encore, cette fois-ci de manière sérieuse, « Et si nous avons de la chance, nous rencontrerons sur ce chemin le véhicule sur lequel voyage Hua dans le sens contraire au nôtre, car c'est l'unique sentier existant. » Cette hypothèse a le don de me secouer fortement. Instinctivement, je lève les yeux vers le ciel, dans l'intention de le prier d'exaucer ce vœu de Mei. Je me retiens, conscient du ridicule d'une telle demande. Mei indique une grosse pierre plate. « Nous pouvons nous asseoir là. » « C'est, plaisante-t-elle de nouveau, le divan de notre salon. Et au lieu d'un banal écran de télévision, nous avons ce que le monde offre de mieux. » Nous nous asseyons sur le divan naturel et regardons le panorama. En effet, grandiose. Si ample que les yeux peinent à en contenir la vue. Ma peur s'est évanouie, remplacée par une sensation de joie profonde. Le silence absolu est saisissant. L'air si pur me donne l'envie de tirer la langue pour le lécher. Juste entre deux cimes de montagne, le soleil est une grosse boule de feu, entourée de quelques légers nuages empourprés, semblables à des filets de soie. Étant proche de l'horizon, l'astre permet d'être admiré sans éblouir. Jamais je n'ai vu pareil soleil, semblable lumière. « Maintenant, dis-je, je comprends pourquoi les êtres humains ont commencé par adorer le soleil. Sa chaleur et sa lumière sont les conditions essentielles de la vie. De la position où je me trouve, le désir est fort de m'agenouiller devant tant de magnificence, comme l'ont sûrement fait les premiers habitants de cette planète. Tu peux le faire, me taquine Mei. Je souris. » Comme lui, je suis totalement absorbée par la somptuosité de la vision offerte à moi. Pourtant, ce n'est pas la première fois. Mais c'est ainsi à chaque occasion. La suggestion de Bruno à propos du soleil m'excite. Lentement, très lentement, je pose les genoux sur l'herbe, assemble les paumes de mes mains l'une face à l'autre, les rapproche de mes lèvres de manière perpendiculaire, enfin plie mon thorax jusqu'à ce que mon front touche la douce terre. Je reste ainsi, les narines respirant le parfum de l'herbe, mon âme fusionnée avec l'atmosphère ambiante. J'éprouve un profond trouble à la vue de Mei, prosternée devant le soleil. Voilà ce que je suis incapable de faire. Courage, mieux vaut tard que jamais. Au diable, convention et préjugés. Au diable, la peur du ridicule. À mon tour, je m'agenouille à côté de ma compagne. J'imite ses gestes, et suivant son exemple, je reste prosterné. Reconnaissance à toi, nature, source de vie, ou plutôt de ma renaissance à la vie. Soudain, j'entends de brusques hoquets suffoqués. Je regarde Mei. Toujours le front contre terre, elle sanglote doucement. Je crois en comprendre le motif, étant moi-même extrêmement ému. Bienvenue, larmes. Merci de nettoyer mes impuretés. Et quelle joie de voir Bruno établir un contact avec la nature, son authentique nature. Même dans mes plus beaux rêves, dans mes plus délirants espoirs, dans mes élucubrations des plus fantaisistes, jamais je n'ai imaginé ce que je vis en ce moment. Bouddha, maintenant je sais peut-être ce que tu éprouvais en contemplant la beauté de la nature. Bruno et moi, nous nous relevons. Nous rejoignons en silence la pierre sur laquelle nous nous asseyons de nouveau. Par pudeur et délicatesse, nous évitons de nous regarder. Nos yeux restent dirigés vers l'astre de lumière. Il descend, lentement, jusqu'à disparaître derrière la chaîne des montagnes. Photo correspondante. Ses rayons enflamment encore le ciel et les cumulus pour les saluer avant d'aller illuminer l'autre partie de la planète. Ô temps. Attends. Reste un instant pour tes amants. Au moment de mourir, voici le lieu et le moment dont j'aimerais me souvenir pour me dire « Tu as bien vécu. Maintenant, tu peux, serein, partir. » Tant de fois, j'ai savouré le délice de ces paysages. Alors j'habitais à la campagne, je me développais comme une belle plante, une prometteuse fleur. La vie était un beau cadeau. Je me délectais pleinement de mon sentiment d'exister. Mon esprit palpitait de merveilleux projets. À présent, je pense à mon installation dans la capitale et à mon travail à l'ambassade. Ai-je bien fait ? Je n'ai plus que les instants où, le soir, chez moi, je lis de la poésie ou en écris. Le reste n'est, en réalité, qu'utilité pratique, rien d'autre. Tellement de fois le désir m'a tenté. Ce n'est pas de ton goût. Lâche tout. Ta campagne chérie t'attend. Là est ta vie.